Chapitre 9e, une humble prière. Le lendemain, Miss Beverley se disposait à faire des visites indispensables. Elle allait monter en voiture lorsqu'elle fut frappée de l'aspect d'une femme de moyen âge qui se tenait à quelque distance et paraissait saisie de froid. Au moment où elle parut, elle remarqua qu'elle joignait les mains d'un air suppliant et s'approchait de la voiture. Cécile s'arrêta pour la considérer. Son habillement, quoique extrêmement simple, était cependant plus propre que ne l'est ordinairement celui des mendiants. Elle réfléchit quelque temps à ce qu'elle pourrait lui présenter. La pauvre femme continuait cependant à s'avancer, mais avec une lenteur qui indiquait une excessive faiblesse. Lorsqu'elle fut proche et qu'elle eut levé la tête, elle présenta l'image la plus complète de la douleur. Elle était si défaite, si pâle, que Cécile en fut effrayée. Les mains toujours jointes et d'une voix dont elle paraissait elle-même redouter les accents, elle s'écria « Oh, madame, daignez avoir la complaisance de m'écouter. » « Vous écoutez ?» repartit Cécile, en mettant sur le champ la main dans sa poche pour en tirer sa bourse. « Très certainement. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. »« Le ciel, madame, vous récompense de votre bonté, » s'écria la femme d'un ton plus assuré. « Je craignais de vous fâcher. Mais j'ai vu le carrosse devant la porte. J'ai voulu faire une tentative. Quel qu'en soit le succès, je ne saurais en être plus mal. La misère, madame, donne de la hardiesse. »« Me fâcher ?» repartit Cécile, en tirant un écu de sa bourse. « Non, assurément. Qui pourrait contempler votre indigence et éprouver d'autres sentiments que celui de la pitié ?»« Ah, madame, répliqua-t-elle, je pleurerais presque en vous entendant parler ainsi, quoique j'eusse cru de ne plus répandre de larmes depuis que j'ai cessé d'en verser pour mon pauvre Guillaume. Avez-vous donc perdu un fils ?»« Oui, madame, mais il était trop bon pour rester plus longtemps sur cette terre. Aussi ai-je tout à fait cessé de le regretter. » « Entrez, ma bonne femme, dit Cécile, il fait trop froid pour rester ainsi à l'air. » À peine furent-elles entrées dans une salle basse, qu'elle lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour son service, ajoutant, tandis qu'elle parlait, par un mouvement de compassion, un second écu à celui qu'elle tenait déjà dans la main. « Vous pouvez tout, madame, répondit la pauvre femme, il ne s'agit que de plaider notre cause auprès de monsieur. Il ne connaît guère notre profonde misère, parce que sa situation est bien différente de la nôtre. Je me garderai bien de l'importuner si souvent, si la nécessité ne m'y contraignait. » Cécile, frappée de ces mots, il ne connaît guère notre profonde misère, parce que sa situation est bien différente de la nôtre, eut de nouveau honte de la modicité du présent qu'elle se proposait de lui faire. Et tirant une autre demi-guinée de sa bourse, elle lui dit, « Ceci pourra-t-il vous être de quelque secours? Une guinée suffira-t-elle pour vous procurer ce qui vous est nécessaire ?» « Je vous remercie très humblement, madame, » dit la femme en faisant une profonde révérence. « Voulez-vous que je vous en donne un reçu ?»« Un reçu ?» s'écria Cécile avec vivacité. « De quoi ?»« Hélas, nos comptes ne sont pas encore soldés, je me propose bien de faire quelque chose de mieux pour vous dès que je me serai convaincu que vous en êtes aussi digne que votre extérieur me l'annonce. »« Vous êtes trop bonne, madame. Je vous offrai un reçu de l'argent que vous venez de me donner, que je croyais être un acompte. »« Un acompte ? De quoi ? Je ne vous comprends pas. » « Votre mari ne vous aurait-il jamais parlé, madame, de ce qu'il nous doit ?»« De ce qu'il vous doit ?»« Oui, madame. De nos comptes pour l'ouvrage fait au nouveau temple de sa campagne de Violet Bank. C'est le dernier un peu considérable que mon pauvre mari était capable de faire, et c'est en y travaillant qu'il a gagné sa maladie. »« Quel ouvrage ? Quelle maladie ?» s'écria Cécile. « Qu'est-ce que votre mari avait à faire à Violet Bank ?»« Il est charpentier de sa profession, madame. »« J'imaginais que vous auriez pu vous rappeler le pauvre Hale ?» et que vous l'auriez peut-être aperçu. Non, je n'y ai jamais mis le pied. Sans doute vous me prenez pour Madame Harrel. Sûrement, madame, j'ai cru jusqu'à présent que vous l'étiez. Vous vous trompez, mais dites-moi ce que c'est que ce compte. C'est un mémoire, madame, pour un ouvrage très pénible, un ouvrage, madame, qui coûtera sûrement la vie à mon mari. Et quoique je n'ai cessé jour et nuit de solliciter M. Harrel pour en obtenir le paiement, que je lui ai adressé plusieurs lettres pour exposer notre misère et le supplier d'y avoir égard, il m'a été impossible d'en arracher un seul shilling. Actuellement, les domestiques, loin de me laisser la liberté de lui parler, me refusent même la porte. Ah, madame, vous qui paraissez si sensible, daignez intercéder en notre faveur. Assurez-le que mon pauvre mari ne saura plus vivre. Dites-lui que mes pauvres enfants meurent de faim. Ajoutez que mon pauvre Guillaume, qui nous aidait à subsister, est mort. Que toutes mes peines et le travail que mes forces me permettent de faire ne suffisent pas à nous nourrir. « Grand Dieu !» s'écria Cécile, très émue. « Quoi ? Ce que vous sollicitez avec tant d'humilité est un argent qui vous appartient si légitimement ? Oui, madame, c'est un argent gagné honnêtement, légitimement, et à la sueur de notre front. Monsieur Harel ne le sait que trop, et il vous le dira lui-même. Cela est impossible, repartit Cécile. Il l'ignore sans doute, et je m'engage à l'en informer au plus tôt. À combien se monte ce compte ? À 22 livres sterling, madame. Comment il ne se monte qu'à cela ? Ah, madame, vous autres gens riches, vous n'imaginez guère ce qu'est une pareille somme pour des pauvres comme nous. Une malheureuse famille telle que la mienne, vivant de son travail, s'entretient longtemps avec cet argent, et en le possédant, se croit presque en paradis. Pauvre digne femme, ajouta Cécile, le cœur gros, et retenant à peine ses larmes. Si 22 livres vous procurent une si grande satisfaction, il sera réellement bien cruel qu'on vous fît attendre plus longtemps une somme si modique, et que vous réclamez à si juste titre. Surtout votre débiteur étant en état de vous payer sans s'incommoder. Attendez-moi ici un moment, et je vous apporterai tout de suite votre argent. Elle la quitta sur le champ et revint à la salle à manger où elle ne trouva que M. Arnott, qui lui dit que M. Harel était à la bibliothèque avec sa sœur et quelques amis. Cécile lui dit en peu de mots de quoi il s'agissait, et le pria d'avertir M. Harel qu'il lui souhaiterait lui parler. M. Arnott secoua la tête et obéit. Les deux beaux frères revinrent ensemble, et M. Harel, lui adressant la parole d'un air satisfait, « Miss Beverley, lui dit-il, je suis charmé que vous ne soyez pas encore parti. Nous avons grand besoin de vos conseils. Voudriez-vous bien prendre la peine de monter ?»« Tout à l'heure, répondit-elle, il faut auparavant que je vous entretienne au sujet d'une pauvre femme à laquelle j'ai parlé par hasard et qui m'a supplié de vous engager à acquitter une petite dette qu'elle imagine que vous avez oubliée et dont, vraisemblablement, vous n'avez jamais eu connaissance. »« Une dette ? » s'écria-t-il en changeant subitement de ton. « Qui est cette femme ?»« Je pense qu'elle se nomme Hell. » C'est la femme du charpentier que vous avez employée à la construction d'un nouveau temple à Violet Bank. Comment, quoi, cette femme? Eh bien, je penserai à la faire payer. Ah non, ne perdons pas de temps, venez avec moi à la bibliothèque. Qui, moi, après avoir si mal réussi dans ma commission? J'ai promis d'intercéder pour elle et de faire en sorte qu'elle eût tout de suite son argent. Bon, il n'y a rien de si pressé. Je chercherai son compte. Je ne sais ce que j'en ai fait. Je cours la rejoindre et lui en demander un second. Je ne le permettrai jamais. Elle pourra m'en envoyer un autre dans quelques jours. Elle mériterait que je la fisse attendre encore une année pour la punir de l'impertinence qu'elle a eue de vous rompre la tête de cette affaire. Elle ne m'en a parlé que par hasard, et je lui ai promis de faire en sorte qu'elle fût payée. C'est à vous maintenant à me faciliter les moyens de m'acquitter de ma promesse. Il doit vous être à peu près égal de lui remettre aujourd'hui ses 22 livres, ou de ne les lui donner que dans un mois. Mais cette différence pour cette pauvre malheureuse est si considérable qu'il y va pour elle de la vie ou de la mort, car elle m'a assuré que son mari était sur le bord de sa fosse, que ses enfants mourraient presque de faim, et quoique son extérieur annonce la plus grande misère, il n'a cependant qu'elle pour support. « Oh !» s'écria M. Harel en riant. « Il faut avouer qu'elle vient de vous conter une histoire bien lamentable. Elle s'est sans doute aperçue que vous arriviez tout nouvellement de province. Si vous ajoutez foi à tous les contes de cette espèce, vous ne serez pas un instant tranquille, et il ne vous restera jamais un sou dans votre bourse. Cette femme, répondit Cécile, ne saurait chercher à m'en imposer. Son visage porte des marques trop évidentes et trop effrayantes des peines qu'elle éprouve. Bon, ajouta-t-il. Lorsque la ville vous sera mieux connue, il sera plus difficile de vous tromper. Vous verrez qu'il n'y a rien de si commun que de trouver des femmes de cette espèce qui, pour vous émouvoir, parlent d'un mari malade et de 5 petits-enfants mourant de faim. Ce sont des moyens usés, qui ne produisent plus aucun effet et dont on se moque. Je ne me moquerai jamais des malheureux, et les cœurs durs qui verront leur peine avec indifférence n'auront rien de commun avec moi. Cette pauvre femme, dont j'ai osé entreprendre la cause, n'eût-elle point d'enfant, serait encore elle-même un objet de pitié. Elle est si faible qu'à peine peut-elle se traîner, et si pâle qu'elle paraît presque mourante. Imposture que tout cela, rien n'est plus certain. À peine nous aura-t-elle quitté qu'elle cessera de se lamenter. Non, monsieur, lui répliqua Cécile, un peu impatientée, rien ne m'engage à soupçonner qu'elle ait la moindre envie de me tromper, puisqu'elle ne vient point ici comme mendiante, quoique sa pauvreté l'y autorisât. Elle y vient pour solliciter le paiement d'un ouvrage que son mari a fait, et s'il en impose à cet égard, rien de si facile que de découvrir la fraude. À ces mots, M. Harel parut pendant quelques moments assez déconcerté. Mais s'étant bientôt remis, il dit d'un air aisé, « Comment t'es fait pour parvenir jusqu'à vous ?»« Je l'ai trouvée à la porte de la rue. »« Dites-moi, je vous prie, auriez-vous quelque objection contre ce mémoire ? Je ne saurais encore en former aucune, je n'ai pas eu le temps de l'examiner. Vous savez cependant qui est cette femme et que son mari a travaillé pour vous. Par conséquent, il est vraisemblable que l'argent qu'elle demande est bien légitimement dû. Cela est-il possible ? Vrai ou non ? Oui, oui, j'avoue que je reconnais cette femme. Elle a bien pris soin de me le rappeler. Voilà 9 mois qu'elle ne cesse de me tourmenter. Cette réponse ferma la bouche à Cécile. Elle avait supposé jusqu'alors que la vie dissipée de M. Harel l'avait empêchée de s'apercevoir de l'injustice de son procédé. Mais lorsqu'elle reconnut qu'il en était si bien informé, et qu'il avait pu souffrir avec indifférence qu'une pauvre femme l'eût tous les jours pendant 9 mois sollicité vainement pour obtenir le paiement d'une dette aussi légitime, elle en fut aussi surprise que révoltée. Ils gardèrent l'un et l'autre pendant quelques moments le plus profond silence. Ensuite, M. Harel bâilla, étendit les bras, et demanda nonchalamment « Mais pourquoi le mari ne vient-il pas lui-même ? » « Ne vous ai-je pas déjà dit, repartit Cécile, qui s'attendait peu à une pareille question, qu'il était très malade et hors d'état de travailler ?»« Eh bien, dès qu'il sera mieux, » ajouta-t-il en s'avançant vers la porte, « il n'a qu'à venir et je lui parlerai. » Cécile, accablée de cet excès d'insensibilité, se tourna machinalement du côté de M. Arnott d'un air qui semblait implorer son assistance. Celui-ci baissa la tête et, craignant de rencontrer ses yeux, sortit brusquement. M. Harel, se tournant alors à moitié, quoique sans envisager Cécile, lui dit familièrement « Eh bien, ne voulez-vous pas venir ?»« Non, monsieur, » répondit-elle froidement. Il continua son chemin et remonta à la bibliothèque, la laissant aussi surprise que mécontente de la conversation qu'ils venaient d'avoir ensemble. « Grand Dieu ! » s'écria-t-elle, « quelle étrange insensibilité ! Laisser périr de faim une malheureuse famille uniquement par opiniâtreté et pour prouver que sa misère n'est pas telle qu'on la dépeint. Ajouter à sa calamité, en retenant le salaire qui lui est dû, et qu'on sera à la fin forcé de lui donner, quoique l'indolence, l'oubli ou l'injustice s'obstine à le lui refuser. » Que mon oncle connaissait peu, qu'il était loin de soupçonner le caractère du tuteur auquel il m'a confié. Avant qu'elle fût sortie de la salle, un des domestiques vint lui dire que son maître la priait de se rendre à la bibliothèque. « Peut-être se repent-il, » dit-elle en elle-même, et flattée de cette idée, elle se hâta de l'aller rejoindre. Il était avec sa femme, le chevalier Robert Floyer et 2 autres personnes, dissertant tout à leur aise autour d'une grande table couverte de plans et de modèles en petit. M. Harel lui adressa tout de suite la parole et lui dit « Vous m'avez fait un grand plaisir de venir ici. Nous ne saurions rien conclure avant de vous avoir consulté. Ayez la bonté de jeter la vue sur ces différents modèles et dites-moi celui que vous trouvez le plus de votre goût. » Cécile, sans avancer d'un seul pas, resta immobile à la vue de ses plans pour la construction de nouveaux édifices, tandis que les ouvriers qui avaient construit les anciens n'étaient point encore payés. La cruelle sottise qu'il y avait à vouloir élever de nouveaux trophées au luxe, lorsque ceux qu'on venait à peine de finir avaient occasionné la ruine des malheureux qui y avaient travaillé, excita en elle une indignation qu'elle crut inutile de chercher à déguiser. L'aisance et l'air dégagé de l'auteur de ces injustices lui inspirèrent autant d'aversion que de répugnance, et se rappelant la leçon que lui avait donnée l'étranger à la répétition de l'opéra, elle résolut de changer de demeure le plus tôt qu'elle pourrait, répétant en elle-même « Oui, j'aurai soin de me soustraire à la distraction dont l'opulence sourde aux plaintes du misérable est menacée. » Madame Harel, étonnée de son silence et de son air sérieux, lui demanda si elle était malade. Le chevalier Floyer, se tournant alors de son côté pour la considérer plus à son aise, lui dit « Commenceriez-vous déjà à vous ressentir des influences de l'air de Londres ?» Cécile tâcha de recouvrer sa tranquillité et répondit le mieux qu'elle put à ces différentes questions. Elle persista néanmoins à refuser de donner aucun avis relativement au plan, et après y avoir jeté un coup d'œil en passant, elle se retira. M. Harel, qui dans le fond de l'âme connaissait mieux que personne la raison d'une pareille conduite, se garda bien d'en donner l'explication, et voyant avec peine qu'elle était plus affectée qu'il ne l'aurait cru d'une affaire qui à ses yeux était si peu importante, il chercha à l'en distraire. Il la suivit et lui dit « Miss Beverley, sera-ce assez tôt demain de s'occuper de votre protégé ?»« Oui, sans doute, » répliqua-t-elle, agréablement surprise d'une pareille question. « En ce cas, ayez la complaisance de la faire avertir de venir me trouver demain matin. » Charmée d'une commission aussi inattendue, elle le remercia par un gracieux sourire de l'en avoir chargé, et en se pressant de descendre pour porter cette bonne nouvelle à celle qui l'attendait, Elle inventait mille excuses pour justifier les délais qu'elle avait essuyés jusqu'alors, se persuadant facilement que M. Harel, qui commençait à reconnaître l'injustice de sa conduite, se proposait d'en changer par la suite. La pauvre femme la vit revenir avec un air si satisfait qu'elle imagina que M. Harel ne tarderait pas à quitter sa dette. Elle s'aperçut bientôt de son erreur, car aussitôt qu'elle fut instruite de sa réponse, elle dit « Ah, madame, c'est toujours le même langage. Il me remet continuellement au lendemain. Mais je suis actuellement en état de supporter de nouveaux délais. Ainsi, je me garderai bien de me plaindre de ce contretemps. L'indulgence que je viens d'éprouver de votre part suffirait pour me faire tout oublier. » « Ayez soin, je vous prie, lui dit Cécile, de consulter un médecin sur la manière dont votre mari doit être médicamenté et nourri. Je vais vous donner de quoi payer sa première visite, et s'il est nécessaire qu'il en fasse d'autres par la suite, ne craignez pas de me le faire connaître. » En parlant ainsi, la compatissante Cécile ouvrait de nouveau sa bourse. Mais Madame Hill, lui saisissant la main, s'écria « Non, madame, non, je ne suis pas venue ici pour abuser de vos bontés. Béni soit l'heure où j'y suis arrivé. » Elle lui dit alors qu'elle ne se trouvait plus actuellement dans un besoin si urgent, et que pendant son absence, un monsieur était entré dans la chambre où elle était et lui avait donné 5 guinées. Cécile ne douta pas, d'après le portrait qu'il lui en fit, que cette personne ne fût M. Arnott. Cette libéralité de sa part, si analogue à sa façon de penser, lui donna la meilleure opinion possible de son caractère et affermit encore l'estime que ce vertueux jeune homme lui avait inspirée. Elle garda pour une autre occasion le secours qu'elle destinait à la femme Hill, et en lui recommandant de la faire demander le lendemain, lorsqu'elle viendrait recevoir son paiement, elle la renvoya auprès de son mari. Les promesses de M. Harel avaient inspiré à Miss Beverley une confiance entière, et pour lui en marquer son contentement, elle eut pour lui, pendant toute la journée, des égards plus marqués qu'à l'ordinaire. M. Arnott, de son côté, enchanté d'avoir obtenu une approbation dont il faisait tant de cas, et qu'il lisait dans les beaux yeux de Cécile, se trouvait amplement récompensé de ses 5 guinées, et aurait volontiers donné à ce prix tout ce qu'il possédait au monde.